Au sommaire de sa Aide du Belge numéro 22, un documentaire. Mitra de Jorge León, sélectionné en compétition officielle au dernier FIF, aux états généraux du documentaire de Lusas et primé au FID Marseille. J'ai rencontré le réalisateur et je lui ai demandé pourquoi ce film. Écoutons-le. Quoi ? Ben, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question, mais je sais d'où il est né, en tout cas. Il est né de la rencontre avec les emails. En fait, j'ai découvert les échanges de mails entre Mitra Kadivar et Jacques Alain Miller. Je les ai découverts sur Internet. C'est un petit document PDF qui était sur un site que je consulte régulièrement. J'ai cliqué sur le document et puis voilà, il y avait quelques centaines de mails et je les ai lus de façon totalement passionnée et j'ai vu d'une certaine façon une espèce de récit tragique, quoi. Avant même de connaître Mitra Kadivar, avant même d'avoir rencontré Jacques Alain Miller, c'est vraiment la nature, le contenu de ces mails qui m'ont interpellé. Et je pense encore plus précisément, ce qui m'a interpellé, c'est l'appel à l'aide, en fait. C'est ce premier mail, d'ailleurs, qu'on entend au début du film, qui ouvre le film. « Cher Monsieur Miller, je suis dans un pétrin. Ils sont en train de m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Bien à vous, Mitra Kadivar. » Et cette dimension de l'appel à l'aide, et le fait que finalement quelqu'un réponde, quelqu'un qui vit à l'autre bout de la planète, ça m'a bouleversé, vraiment, dans le sens où il y a eu... Mais en même temps, parce que je me dis, mais on est tous confrontés à cette dimension, on est tous sollicités, et on l'est de plus en plus. Hein. Je disais aux journalistes ce matin aussi, c'est ça, c'est que dans la rue, au quotidien, on est sollicité. Ah oui, tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on agit ? Est-ce qu'on agit ? Est-ce qu'on l'entend ? Ça dépend de notre humeur. Ça dépend de notre humeur, ça dépend de notre situation, ça dépend de notre empressement, ça... Et aussi la nature même de notre action. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est à travers juste un regard ou est-ce que c'est à travers l'action de... Voilà. Donc j'ai eu l'impression que malgré tout, même si c'était une histoire hyper spécifique, très singulière, parce que c'est quand même des échanges de mails entre deux psychanalystes, l'une vivant à Téhéran, l'autre vivant à Paris, voilà, il y a quelque chose de très spécifique là-dedans, et en même temps, la nature, l'éthique de la solidarité qui émerge de ça, pour moi, est quelque chose de très concret, de très quotidien. J'ai beaucoup apprécié ce documentaire parce que le réalisateur raconte la folie du côté des fous. C'est fait avec une belle mise en scène, donnant envie de voir ce qui nous attend. Quand j'ai entendu le témoignage d'une bipolaire, cela m'a remué, puisque là, je vous expose ma vie privée, j'ai vécu 4 ans avec une bipolaire, et tout ce que la femme racontait, je le ressentis de l'autre côté. Il y avait une telle authenticité. À un moment, un confrère m'a murmuré à propos d'un malade qui n'était pas fou du tout. Effectivement, il ne l'était pas. Simplement, il allait un peu plus lentement pour parler, mais toutes ses paroles étaient compréhensibles et tapées au coin du bon sens. Je me doute que beaucoup n'aimeront pas, considérant la folie comme un problème à régler dans les hôpitaux psychiatriques en leur donnant le plus de médicaments possible. Moi, je pense que certaines personnes ont sans aucun doute besoin de médoc, mais... surtout, elles ont besoin d'attention, de compréhension. À la prochaine.